Section 81 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 81. Monsieur Joseph Fortuna par Frédéric Febvre de la Comédie-Française, chapitre 4. Flamini, la nouvelle résidence de Monsieur Fortuna, est une petite ville charmante. Tous les étés, de nombreux baigneurs viennent y chercher l'effet salutaire de ses eaux. Un site agréable, de belles promenades et pas de casino, guérison immanquable. Parmi les baigneurs de distinction se trouvait précisément cette année-là Monsieur de X, alors ministre. Plusieurs fois, Monsieur Fortuna avait été assez heureux pour rendre quelques petits services à l'excellence en traitement. Le jour de son départ de Flamini, Monsieur de X, en prenant congé de Monsieur Fortuna, qui l'avait accompagné respectueusement à la gare, l'engagea vivement à le venir voir à son premier voyage à Paris. « Ça se dit, mais ça ne se fait pas, et ce sont là pures civilités engendrées par la force même du traitement, » pensait M. Fortuna. « Mon Excellence, répondit-il, « malgré le grand désir que j'aurais de vous revoir, je sais trop combien sont précieux vos instants pour en distraire le laps le plus court. « Je vous en prie, » avait répondu le ministre en insistant avec courtoisie. « Seulement pour que je me souvienne, ayez le soin, en me faisant passer votre carte, de faire précéder votre nom d'une petite croix. » L'année suivante, Monsieur Fortuna, allant à Paris, crut devoir faire une visite à Monsieur de X. Il se souvint de ses instructions et fit la petite croix recommandée. « Le ministre est occupé, » avait répondu l'huissier. « Il prie monsieur de l'excuser, ne pouvant à son regret le recevoir ce jour-là. » Il revint le lendemain et le surlendemain, même réponse. Monsieur Fortuna sourit et, en se retirant, il se dit « Oh, les hommes, tous les mêmes, même après une cure !» Et il reprit la route de Flamini. Le ministre, de son côté, en lisant et relisant cette carte et remarquant cette petite croix, s'était dit « Monsieur Joseph Fortuna, fonctionnaire, je connais pourtant ce nom-là. Qui diable est-ce donc ? C'est un homme, évidemment, qui a rendu des services, et cette petite croix vient sans doute me les remettre en mémoire. » On était au dernier jour de l'Empire. Ce 15 août-là, on put lire dans l'officiel « Au grade de chevalier, Monsieur Joseph Fortuna, service exceptionnel. » Monsieur Fortuna reçut la croix, comme il avait accepté la place, et ce qui vous étonnera peut-être, cher lecteur, c'est qu'il fut le seul à ne s'en pas étonner. Après avoir lu cette petite histoire, faut-il pousser de grands cris, voir les choses en misanthrope, mais dire de ceux qui nous gouvernent avec des phrases dont le cliché est rebattu? Non, il faut en tirer tout simplement cette douce philosophie que Dieu est vraiment bon, puisqu'il a permis qu'il y ait ici-bas place au soleil pour tous, même pour les imbéciles. Fin de la section 81, lue par Sophie France, à Veules-les-Roses en décembre 2024.